un truc classique. Un loueur de voiture. Ah ouais. Ouais, j'aurais besoin d'une caisse, là. Encore lui, ça va. Moi, ce que j'aime pas, c'est les Anon. Anon. Sur Reaper et j'ai plus les machins. D'abord, tu nous loues une bagnole. Et après. Ok. Ça commence bien. Ouais, qu'est-ce que... Bon, comment il fait s'il est sur Ninjam? Je me rappelle plus, moi, sur Ninjam. On peut encore aller sur Ninjam, ouais. Ah, je me rappelle plus comme c'est Ninjam. Il faut l'aider, les gars. Il faut l'aider, le loueur de voiture, il n'arrive pas à brancher son truc. potard, oh. Je confirme, Mike, tu peux prendre du charbon du Béloc, parce que ma mère, elle m'en donnait, et c'est un peu bizarre à prendre, c'est une espèce de, comme un bonbon, mais dégueulasse. Et ça fait du bien, en effet, je suis d'accord. C'était une grosse boîte en fer, là, t'as l'impression de prendre un petit bonbon, mais... Oh, monsieur Hertz, il arrive pas à régler son truc alors. Comment, il pose pas de questions. Faut des... Moi, je vais te donner un petit conseil, Mike. Tu vas dans une pièce tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait personne. Tu t'allonges par terre. Tu mets les jambes à l'arrière. Et tu restes au moins 5 minutes comme ça. Ça fait un peu mal au dos. Et tout à coup. Tu vas sentir un grand soulagement accompagné d'un petit bruit ou un gros bruit, ça dépend le dégazage, comme dirait Phil. Et là, tu vas soudain revivre. Non mais c'est vrai, hein, moi je, quand j'étais petit, je faisais de l'aérophagie parce que je mangeais des chewing-gums et j'avais pas compris quoi. Chaque fois, je continuais à manger des chewing-gums et j'arrive à l'école, j'avais mal au ventre. Et j'avais des gaz, j'avais des bruits, j'avais honte, c'est parce qu'on entendait que ça au fond de la classe, Benjamin Noé. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de manger les chewing-gums. C'est quoi ce titre? Jean-Michel Jarre sort de ce corps. Le glode. La denrée.